Mineille, il dit qu'il a pas de bon. Ah, super. La fin, non, la fin. Ouais. Mais bien, tu t'es rappelé, c'est bien. Il n'y a pas ses lunettes. Il y avait les lunettes. J'ai descendu, j'avais. Yeah.